إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi vous ce soir pour commencer le cours numéro 20 sur l'explication simplifiée de Juz Amma. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrivés à Surat al-Balad. Surat al-Balad, la cité. Allô. طيب. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. نعم سورة Al-Balad, cette grande sourate est une sourate mécoise prégérienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette cité, qui est Mekka, comme on va le voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Il ne jure pas sur une chose sans que cette chose ait une importance et une leçon à tirer. Pour attirer le regard sur cette chose. Et cette cité, il n'y a pas de doute qu'elle a une valeur auprès d'Allah, une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit la uqsimu bihada al-balad. Ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la uqsimu bihada al-balad, le la ici, c'est pas le dans la langue arabe, c'est pas le la de négation. Hein? Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre à travers les explications des savants. Naam. Donc la uqsimu ici, ce n'est pas la négation, mais plutôt l'affirmation. D'accord? Il y en a, elles disent même que c'est il est en plus. Hein, c'est comme si qu'il n'y était pas. Hein, mais ici, c'est pour attirer l'intention et pour certifier. Hein, le sens est, certes, je jure par cette cité. Ce n'est, faut pas comprendre ici, je ne jure pas par cette cité. D'accord? Parce que le la ici, hein, il a la fonction de pour certifier. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par cette cité qui est Mekka. Et on l'appelle Al-Balad. Et aussi Mekka, on l'a appelé aussi Ummul Qura. Hein, comme il est venu dans le Coran. Ou la cité sûre. Al-Baladul Amin. La cité sûre. Hein, comme il est venu dans en Surat At-Tin, le figuier, verset 3, et par cette cité sûre. On en viendra, inshallah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par cette cité pour sa noblesse et son immensité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses créatures. Car c'est la meilleure des villes sacrées et le meilleur endroit et le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala de la surface de la terre. Il n'y a pas un autre endroit qui est plus aimé et meilleur que Mekka. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé de cette cité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains. Naam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anta hillum bihada al-balad » Et toi, tu es un résident dans cette cité. Naam. On va voir qu'il y a deux sens ici. Il y a deux explications des savants sur ce verset. Le premier, c'est comme ils l'ont traduit ici. Ils disent « Et toi, tu es un résident dans cette cité. » C'est-à-dire « Et toi », c'est-à-dire Muhammad. Tu es un résident dans cette cité. C'est-à-dire, je jure par cette cité au moment où tu es présent dans cette cité. Je jure par cette cité. Au moment où tu es présent dans cette cité. Tu es résident dans cette cité. Naam. Car il y a dans la résidence du prophète sallallahu alayhi wa sallam un honneur pour Mecca, une noblesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par cette cité. Ce qui montre la noblesse et l'importance de Mecca, mais encore plus de cela, Mohammed, son messager sallallahu alayhi wa sallam, est résident. Et cela ne vient qu'augmenter la noblesse et l'honneur et l'importance de Mecca. Ça, c'est le premier sens. Il a été dit aussi dans l'explication, je jure par cette cité au moment où cette cité est devenue licite pour toi. Pourquoi ? Parce que Mecca, c'est parmi les villes sacrées. Il y a des choses qui sont interdites de faire, comme combattre dans cette cité, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, je jure par cette cité cette cité dont on te l'a rendue licite, où on va te la rendre licite pour la conquérir dans le futur. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé de combattre dans cette cité au moment de un moment de la journée. D'accord ? Et cela lors de la conquête de Mecca. Lors de la conquête de Mecca. Et ensuite, elle est redevenue sacrée. Jusqu'au jour du jugement. Taïeb ? Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par cette cité au moment où il l'a rendue licite, et ça c'est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne fait qu'augmenter la noblesse et la grandeur de Mecca. De sorte que, après qu'elle ait été un pays, une ville non musulmane, une ville où ils adoraient les statues, où ils faisaient l'association, etc., alhamdoulilah, elle a été purifiée des statues, de l'association, de la mécréance, et cette cité Mecca est devenue une ville, une cité d'unicité, et d'islam et de foi. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, il jure une troisième chose, wa walidin wa ma walad, et par le père et ce qu'il engendre. Et par le père et ce qu'il engendre. Certains savants disent, Allah ici jure par Adam, et par le père, c'est-à-dire Adam, et sa descendance, wa ma walad, ce qu'il a engendré, c'est-à-dire sa descendance. Taïeb, ça c'est une explication parmi les explications des savants. L'autre, c'est, ils disent que c'est général. C'est tous les pères. Tout par tous les pères. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par tous les pères et leurs descendants. D'accord ? Parmi les créatures, c'est-à-dire même les animaux. Car cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Et sahih ici, ce qui est correct, c'est que c'est général. Wallahu a'lam. Comme dit Sheikh Al-Uthaymin dans son explication et d'autres. Donc ici, cela prouve les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Il y a une leçon à tirer dans cela. Et cela aussi prouve la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est aussi l'avis de Ibn Jarir, At-Tabari. At-Tabari. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Que ici, c'est général. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a juré par tous les pères et leurs descendants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce pourquoi il a juré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ses créatures. Mais pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre après. Il dit, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour kabad. Dans le kabad. On va voir ici c'est quoi le kabad. Parce qu'ils ont traduit par une lutte. D'accord? Pour une lutte. Nous avons certes créé l'homme pour une lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? On va citer deux explications dans ce verset aussi qui sont importantes. Et on va voir que ces deux explications, alhamdoulilah, ils n'ont pas de contradiction et les deux, ils rentrent dans le sens. La première, c'est, nous avons certes créé l'homme, c'est-à-dire tous les êtres humains. Fi kabad. Fi kabad, ici, c'est quoi? C'est-à-dire, on l'a créé droit. Mustaqiman, de façon droit. C'est-à-dire, dans la forme la plus parfaite. Il est droit, alhamdoulilah, il marche sur ses pieds. La tête en l'air, son corps est droit, contrairement aux animaux, comme on avait cité. Et l'être humain est la plus étonnante des créatures dans la droiture de son corps, ainsi que ses membres, ses sens, sa raison. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé? Ça prouve la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'a créé de la façon la plus parfaite. Naam. Et l'autre sens de fi kabad, c'est ici nous avons certes créé l'homme pour une lutte, pour une difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour subir de la difficulté dans cette dunya. On va voir pourquoi. De la lutte dans ce bas monde. Dans ce monde. Pour toutes choses. Dans les choses de ce bas monde. Comme par exemple rechercher sa subsistance. En travaillant. Etc. Tout ça, ça demande des efforts. Hein? Et ce qui est encore plus intense dans cela, c'est qu'il lutte avec son âme dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme incitatrice au mal. Donc il lutte, il combat dans le fait de s'éloigner des désobéissances d'Allah. Car l'âme, comme on a dit, elle est incitatrice au mal. Donc il lutte, il combat son nefs, son âme. Et cela jusqu'à la mort, pour le croyant. Ça c'est pour le croyant jusqu'à la mort. Alhamdulillah, lui, il sera reposé dans sa tombe. Et dans l'au-delà, il n'y aura plus de lutte, ni de difficulté. Hein, c'est pour cela qu'il doit s'efforcer dans les bonnes œuvres. D'accord ? Qui vont, alhamdulillah, qui vont le reposer de toutes ses difficultés et qui lui ramèneront la joie et le bonheur éternel. Mais lui, le mécréant, hein, et les, malheureusement, les musulmans aussi, yani, qui transgressent, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, on parle du mécréant d'abord. Lui, il sera dans les difficultés, non seulement dans cette dunya, dans la tombe et dans l'au-delà, éternellement. On dit qu'on a vu que, alhamdoulilah, le musulman qui rentrera en enfer, à un moment déterminé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voudra, lui, il finira par être reposé dans le paradis, inshallah wa ta'ala. Et le sens, yani, de ce verset, elle englobe les deux explications qu'on a citées ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas contradiction. D'accord ? Il y a une règle qu'on avait citée auparavant. Il y avait une règle qu'on avait citée auparavant, c'est que si le sens du verset, il y a plusieurs explications, ou par exemple ici deux explications, mais qui ne se contradisent pas, on doit les prendre les deux. D'accord ? Donc ça englobe les deux sens. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes créé l'homme droit, hein, de la forme la plus parfaite, et pour une vie de lutte, hein, pour qu'il lutte dans cette dunya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, أَيَحْسَبُ أَلَّا يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui, hein, c'est-à-dire l'être humain, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la force, il lui a donné la capacité pour lutter dans les difficultés de ce bas monde, et qu'il l'a créé de façon parfaite, comme on a vu juste avant. Il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits. Bien au contraire, il est ingrat, vaniteux, sans fleu d'orgueil. Il est arrogant envers son créateur. Hein, cet être humain ne pense pas ou pense de par son ignorance et de par son injustice que certes, dans la situation il est, dans laquelle il est, dans cette dunya, elle va perdurer. Hein, et que la capacité d'agir qu'il a ne pourra pas lui être retirée. Il pense que personne ne pourra le vaincre. Il est étonné et impressionné par sa propre personne, par sa force, son intelligence, son agissement. Comme on l'avait vu dans Surat al-Fajr auparavant, avec les peuples, les différents peuples qui ont transgressé le peuple de Thamoud et Ad. Hein, quand ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « Quant aux Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent, qui est plus fort que nous ?» Quoi ? N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Allah qui les a créés est plus fort qu'eux ? Naam, donc lui le mécréant, qu'Allah nous en préserve, lui il pense que personne ne pourra rien contre lui, même Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le châtira d'un châtiment terrible, comme on l'a vu. Mais le croyant, alhamdulillah, lui, hein, le croyant, il sait avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable sur lui et qu'il est capable de toute chose. Mais il doit faire attention quand même. Le musulman doit faire attention à ne pas être vaniteux, impressionné par lui-même, sa force, etc. Il doit se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette force et qu'il ne peut rien faire si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Mais il est obligatoire d'être humble. Et plus tu seras humble, plus le croyant il sera humble et plus Allah subhanahu wa ta'ala il va l'élever. Que ce soit dans cette dunya ou dans l'au-delà. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالَ اللُّبَدَى. Il dit, hein, cet être humain, il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens, hein, après s'être enflé d'orgueil. Il se vante d'avoir dépensé ses biens pour ses propres désirs. Il dit, cet être humain, j'ai gaspillé beaucoup de biens en grande quantité, mais il dit cela en regrettant. Et cela indique sa grande avarice envers l'argent. Comme on a vu, parce que l'être humain, sa nature, elle aime l'argent. Et lorsqu'il la dépense, yani, il regrette. Et ça, ça prouve son avarice. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette dépense dans le but d'assouvir ses désirs et dans le but de désobéir, un gaspillage. Il l'a appelé un gaspillage. Pourquoi ? Car il n'a pas tiré profit de ses dépenses. Et ses dépenses se retourneront contre lui. Et sera pour lui un regret, une perte et une fatigue. Car il ne sait pas... Car il ne sait pas que cet argent qu'il a entre les mains est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander des comptes. Comme il est venu dans le hadith rapporté par Abu Barzah al-Aslami, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé? Sur sa science, qu'a-t-il fait avec? Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Qui sera interrogé par ces quatre choses. Naam. Tayyib. Donc ce n'est pas comme celui qui dépense, comme le croyant, alhamdoulilah, il dépense dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la satisfaction d'Allah azza wa jal, dans la voie du bien. Car lui, il sait que, alhamdoulilah, il a fait un commerce avec Allah azza wa jal et a gagné bien plus que ce qu'il a dépensé. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il dit, en menaçant celui qui se vante dans ce qu'il a dépensé et gaspillé dans les désobéissances, dans les désirs, il dit, pense-t-il que nul ne l'a vu ? Ayahsabu allam yarahu ahad ? Pense-t-il que nul ne l'a vu ? Pense-t-il qu'il fait ce qu'il veut ? Et lorsqu'il fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas ? Et qu'il ne le jugera pas sur cela ? Bien au contraire. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a vu, le voit. Rien ne lui échappe. Où qu'il soit, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Et comme on avait vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il enregistre toutes ses actions. Parce qu'il a chargé au noble scribe d'écrire toutes les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Toute parole, toute action, toute intention, elle sera notée. Pense-t-il que nul ne l'a vu ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il réitère ensuite en rappelant à l'être humain les bienfaits dont il l'a comblé. Il dit « Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn » Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux ? Des yeux pour regarder, pour observer. Et ça, c'est parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que nous, on prend un exemple sur l'aveugle. Comment aller ces situations ? Il ne voit pas. À ce moment-là, tu te rappelles que c'était un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une langue et deux lèvres. Walisana wa shafatayn. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une langue et deux lèvres. Une langue pour parler. Un autre grand bienfait pour pouvoir exprimer ce que tu as besoin. Et plus grand que cela, de faire le rappel d'Allah, la récitation du Coran, toutes sortes d'adorations. Quand tu regardes celui qui ne peut pas parler, c'est difficile pour lui. Et là, tu vois le grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deux lèvres. Les lèvres qui cachent la bouche, les dents, celles qui aident la langue à parler. Il y a la beauté dans ceci et beaucoup d'autres bénéfices. Donc ces trois bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cités ici, c'est parmi les plus grands bienfaits de ce bas monde. Et alhamdoulilah, on en tire une leçon et des bénéfices. Tout cela prouve la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain de façon parfaite. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité les bienfaits de ce bas monde, comme on a cité, il mentionne ensuite les bienfaits de la religion. Et il dit, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies ? وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنَ Ici, il y a deux explications des savants. La première, c'est-à-dire la voie du bien et la voie du mal. Ne l'avons-nous pas guidé à ces deux voies, la voie du bien et la voie du mal ? Nous lui avons montré la guidée de l'égarement. Nous lui avons montré la voie du bien, du mal. Et ces bienfaits nombreux impliquent que le serviteur se doit d'accomplir les droits d'Allah sur lui. Et d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ses bienfaits. Et de ne pas s'en servir pour lui désobéir. Mais certes, cet être humain n'a pas fait cela. D'autres explications, ils disent que, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, et nous l'avons, ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies, c'est-à-dire l'être humain lorsqu'il naît, hein, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers quoi, comme on avait cité, vers le lait de sa mère, vers les deux seins. Et c'est ça le Najdain. On les a appelés comme ça parce qu'ils sont élevés, hein, au niveau de la poitrine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a orienté, il l'a guidé vers cela. C'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ce sens y rentre aussi dans, hein, dans l'autre, avec l'autre sens. Hein, les deux sont corrects. Naam. Afala yasta'mil hadhi an-ni'am fi ma yanfa'u. Ne va-t-il pas utiliser ces grands bienfaits dans ce qui lui est bénéfique? Mais cet être humain n'a pas fait cela. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite: Fala qutaham al-aqaba. وما أدراك ما العقبة فأك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite: Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. C'est-à-dire, cet être humain, il ne s'engage pas et il ne la traverse pas, car il suit ses passions et ses désirs. Et on va voir ici c'est quoi la voie difficile. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وما أدراك ما العقبة. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Ici, la question, comme ils disent les savants, c'est pour, comme on avait vu à plusieurs reprises, pour susciter l'envie chez la personne, pour montrer la grandeur de cette chose. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Allah explique ce qu'est la voie difficile. Hein, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, فَأْكُ رَقَبَ. C'est délier un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave. Et ici, il y a deux sens aussi dans le verset à retenir, important. Soit c'est le fait de libérer un esclave que la personne possède, d'accord? Ou bien il achète à quelqu'un l'esclave pour ensuite le libérer. Comme il l'a fait Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Comme il l'a fait pour Bilal. D'accord? Donc soit il possède un esclave, donc il le libère. Hein, c'est parmi les plus grandes œuvres d'aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il achète à quelqu'un l'esclave pour ensuite le libérer, comme il l'a fait Abu Bakr al-Siddiq pour Bilal. Ou le deuxième sens, il dit, c'est de libérer un prisonnier. De libérer un prisonnier musulman qui est entre les mains des mécréants. Et cela fait partie aussi des meilleures œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prisonnier, il valait, ça avait de la fortune à l'époque. Ça avait de la fortune, il servait. Donc c'était dur d'en séparer, de s'en séparer. C'est pour ça que là, il ne s'engage pas dans une voie difficile. Tandis que le croyant, alhamdoulilah, lui, hein, qui veut dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, il s'engage dans cette voie difficile. Il dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, celui qui dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui, alhamdulillah, il sait que la récompense est plus grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il dit, ou nourrir un jour, ou un jour de famine. Ou it'amun fi yawmin dhi masghaba. Il continue ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, à montrer c'est quoi la voie difficile. Ou nourrir en un jour de famine. C'est-à-dire nourrir, hein, un jour d'une grande, d'une énorme famine. De nourrir dans les moments où il y a le plus besoin. Où a le plus besoin les gens qui ont le plus besoin. C'est-à-dire dans les moments où que les gens ils en ont le plus besoin, à ce moment-là, il nourrit les pauvres qui ont le plus de besoin. Et ça, c'est une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les œuvres les plus aimées. Allah subhanahu wa ta'ala continue à dire yatiman dha maqraba. Un orphelin proche parent. L'orphelin qui a perdu son père alors qu'il n'est pas pubère. Qui est dans le besoin. Et qui est un proche en plus. Et l'aumône vers un pauvre et en même temps un proche est meilleur. Car il a regroupé entre l'aumône et le lien de parenté, comme il est venu dans le hadith, hein, de Salman ibn Amir, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'aumône en faveur d'un pauvre est une aumône, et elle est pour un proche deux choses, aumône et resserrement des liens de parenté. Le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc non seulement tu as regroupé entre l'aumône, mais aussi les liens de parenté. Donc il y a plus de récompenses. Et cela, c'est la voie difficile. Hein? Al-Aqaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit أو مسكين أو مسكينا ذا متربة ou un pauvre dans le dénouement. Le dénouement, c'est-à-dire qu'il ne possède rien excepté la terre, excepté la poussière. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Matraba, matraba. Hein? Comme il a dit Ibn Abbas radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Il dit c'est celui qui est jeté, qui est étendu par terre, dans la poussière, dans la rue. Il n'a pas de maison, rien qui le protège de la terre ou de la poussière. Hein, les savants ils disent, c'est connu aussi dans la langue arabe. Lorsqu'on dit cette expression, la personne, elle ne possède rien excepté la poussière. C'est-à-dire qu'il est très pauvre. Il n'a pas de quoi manger, ni s'habiller, ni bien, ni maison. Un pauvre dans le dénouement total. Donc ça fait partie aussi des plus grandes œuvres aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, donc le croyant, alhamdoulilah, il doit s'efforcer à s'engager dans cette voie difficile, hein, en affranchir un esclave, et si on parle comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, wallahu alam, je ne sais pas, ou nourrir un pauvre en jour de famine, un orphelin proche parent, un pauvre dans les dénouements, toutes ces grandes œuvres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement bienfaisant envers les orphelins et les pauvres, tout ce qu'on a cité, mais aussi il a la foi. La foi en tout ce qui lui est obligatoire. Il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Il a foi en tout cela avec avec le cœur. Hein, ils ont foi en tout cela avec leur cœur. Et ils œuvrent dans les bonnes œuvres, avec leur corps, avec les membres du corps. Dans chaque parole et action obligatoire et recommandée. Car la foi comprend une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et un acte avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci la croyance des gens de la sunna et du consensus, les gens de la vérité. Voilà comment bien définir la foi religieusement. La foi n'est pas que dans le cœur, comme disent certains, hein, les gens de l'innovation. C'est-à-dire que les œuvres, elles ne rentrent pas dedans. Ils excluent les œuvres de la foi. Il y a différentes sectes qui font cela. Wallahu al-musta'an. Donc, alhamdulillah, il est obligatoire de réunir trois conditions. Une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et un acte avec le corps. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. Donc, chaque œuvre pieuse fait partie de la foi. Parmi elles, des piliers et d'autres pour parfaire et compléter la foi. La foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'enjoignent à foi mutuellement l'endurance. Ils ont la foi, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils œuvrent. Et ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Hein, la patience dans l'obéissance à Allah. Ils s'enjoignent mutuellement la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La patience dans le fait de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la patience dans les événements douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinés. Tout cela demande de la patience. Tout cela demande le fait de s'encourager les uns des autres, hein, à la patience. Et c'est pour ça que les croyants, alhamdoulilah, ils s'encouragent mutuellement à se soumettre à tout cela, ce qu'on a cité. Et s'encouragent à pratiquer parfaitement cela en ayant la poitrine apaisée et l'âme tranquille, sereine. Ils s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde vis-à-vis des créatures. En donnant à ceux dans le besoin, en enseignant à ceux qui sont ignorants, et de s'acquitter de leurs besoins dans toutes ses formes, en les aidant dans les intérêts et profits religieux et mondains. Pourquoi? Parce qu'ils aiment pour eux ce qu'ils aiment pour leur propre personne. Et ils détestent pour eux ce qu'ils détestent pour leur propre personne. Et cela comprend aussi le fait d'être miséricorde entre eux, les uns des autres. D'être miséricorde envers les créatures et même envers les animaux. Et même envers les animaux. Subhanallah. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséricordieux fait miséricorde au miséricordieux. Donc le miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à ceux qui font miséricorde, à ceux qui sont sur la terre. Et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Donc celui qui fait miséricorde à ceux qui sont sur la terre, les créatures, les animaux, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des cieux, vous fera miséricorde. Le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Car il y a beaucoup de hadiths qui montrent que, subhanallah, le fait d'être miséricorde envers les animaux, c'est une cause pour rentrer au paradis. Il y a beaucoup de hadiths qui montrent cela. Et comme le fait d'être mauvais, de châtier par exemple les animaux, de ne pas avoir de miséricorde, ça peut être aussi une cause pour rentrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre la fin de ceux qui se sont engagés dans la voie difficile. Toutes les caractéristiques citées auparavant, libérer un esclave, nourrir un orphelin, les pauvres, s'enjoignent mutuellement la patience, faire miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il va montrer leur rétribution à ces gens-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, « Ulaika ashabul maymana. » Ceux-là sont les gens de la droite. Ceux à qui on donnera le livre le jour du jugement par la main droite. Celui qui aura un jugement facile et qui retournera au paradis heureux et joyeux auprès de sa famille. Ceux-là sont les gens de la droite, car ils ont accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné parmi les droits d'Allah et ceux de ses serviteurs. Et ils ont délaissé les interdits d'Allah, car cela est l'emblème du bonheur, le signe du bonheur. Voici les gens de la droite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate l'événement, et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulante, continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, tous de même, du même âge, pour les gens de la droite, et d'autres bénéfices, et d'autres délices. Donc la fin du verset, c'est tous du même âge pour les gens de la droite. J'ai rajouté ici, après, d'autres délices qu'on a pu voir à travers toutes les sourates depuis le début. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, en citant le deuxième groupe, yani ceux qui ne se sont pas engagés dans cette voie difficile, qui sont-ils? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. C'est-à-dire ceux qui ont mécru aux versets d'Allah et l'ont démenti. Ils ont démenti le Coran. Ils ont rejeté ces choses et les ont mis derrière leur dos. Ils n'ont pas accompli les bonnes œuvres et n'ont pas fait miséricorde aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens de la gauche, les gens les plus malheureux des créatures. Et eux, ils recevront leur livre. Qu'Allah nous en préserve de la main gauche. Le feu se refermera sur eux. Alayhim naru musada. Le feu les cernera de toutes parts et se renfermera sur eux. Il y aura des colonnes de feu qui bloquent l'accès. Impossible de sortir. Pas d'issue. Ils ne pourront jamais en sortir. On parle des mécréants ici, bien sûr. Ils ne pourront jamais en sortir jusqu'à ce qu'ils soient dans l'étroitesse totale et seront dans la tristesse éternelle, dans la difficulté éternelle. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate l'événement. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Et on avait déjà parlé de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Ainsi se termine, alhamdulillah, cette grande surat, surat al-Balad, la cité. Naam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi les gens qui ont cru et les gens qui ont œuvré dans les bonnes œuvres et qui se sont enjoignent la patience et la miséricorde. Naam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم إن شاء الله تعالى on se donne rendez-vous si Allah le veut demain à la même heure pour sourate Al-Shams. Naam. N'oubliez pas ce soir إن شاء الله تعالى le cours de notre frère Omar Abu Sauda, le troisième cours, qui sur le sujet des belles règles concernant l'explication du Coran. Qu'Allah nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.